Bonjour monsieur et bienvenue dans cette émission. La toute première question est: qui est Monseigneur Baran Sanane, qui est Justin? Je suis Burundais d'abord et je suis un grand amateur de la musique. J'ai étudié la musique jusqu'au niveau supérieur et je suis fondateur de l'Institut de musicologie de Gitega, qui a été agréé par le ministère de la Culture en 2013. Et avant cela, en bref, mon histoire commence avec l'époque de la création de l'Orchestre national du Burundi en 1977, sous la Première République. J'ai été recruté par le ministère de la Culture. À cette époque, j'étais professeur de musique à l'école normale de Kibimba. Alors j'ai été transféré à ce ministère-là pour rejoindre les autres qui sont très bien connus, notamment Kirundo Gérard, Boudi, Etiando qui est venu après. Nous avons constitué le tout premier orchestre national du Burundi en 1977. Voilà, c'est mon petit parcours musical. Comment est-ce que vous commencez maintenant la musicologie de Gitega, l'Institut? L'Institut, j'ai demandé son agrément en 2013 pour une seule grande raison. Mais bien sûr, il y avait une deuxième raison. La première raison, c'était parce que le gouvernement venait de lancer l'école fondamentale et j'apprenais qu'il y avait là-dedans un cours de musique. Et je savais qu'il y avait un manque criant d'enseignants qualifiés dans le domaine de la musique. Alors je voulais donner ma contribution en formant des enseignants qui pourraient tenir le cours de musique dans les écoles fondamentales et même jusqu'au-delà, jusqu'à la fin des humanités. Ça, c'était une première raison. Deuxième raison, c'était la situation critique de la musique burundaise au moment où elle n'a pas d'identité. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'identité. La seule identité qu'elle avait, c'était à notre époque, quand nous, l'Orchestre national en 1977, avions commencé à moderniser les chansons traditionnelles du Burundi, notamment Indegirahina, vous connaissez, et d'autres. Et puis, il y avait l'orchestre Amabano qui était venu sous l'étiquette de la Radiodiffusion nationale du Burundi, qui a aussi fait de très bonnes chansons. Et avec David Nikiza, qui est mon cousin, il avait chanté de très bonnes chansons, hein, Tamba Mayaya Burundi. Il a aussi chanté Shorezinyange, Turutsa Turutsa, Shorezinyange. Il a aussi chanté Sangwe, etc. Sans oublier bien sûr Umugore Wu Mitembaneke, qui est très aimé. Alors, j'ai eu la nostalgie du travail que nous faisions, qui était organisé et qui avait des éléments, qui avait quelques notions de musique. Parce qu'à notre époque, en 1977, nous étions, il y avait moi, il y avait David Nikiza, il y avait Chanjo, il y avait Africanova, il y avait Boudi. Nous avions fait l'école secondaire et on avait appris des notions de musique qui nous permettaient de faire un travail organisé, un travail intelligent. Alors après nous, plusieurs années après, tout a foiré avec les années de crise, les musiciens qui se sont expatriés et qui n'ont jamais eu de formation, qui n'ont jamais eu de référence réelle pour pistonner la bonne musique burundaise. Alors je voulais aussi, par l'Institut de musicologie, contribuer à la formation des musiciens burundais, contribuer aussi à aider dans l'arrangement musical des chansons. Je voulais aussi orienter les jeunes musiciens burundais dans la recherche. Il y a un cours que nous enseignons, que nous appelons ethnomusicologie. C'est un cours de recherche au sein de la musique traditionnelle et nous voyons comment la moderniser sans l'altérer, bien sûr. C'est ce que Manu Dibango fait, c'est ce que Youssoundou fait au Sénégal, Mori Kanté en Guinée ou Salif Keïta au Mali. Alors, si nous ne passons pas par ces pistes-là, la musique burundaise restera toujours sans identité. Alors, ces deux raisons m'ont poussé à créer l'Institut de musicologie de Gitega. Vous semblez vous y connaître, mais j'aimerais un peu retourner un peu en arrière. Quand toi tu découvres la musique et comment est venue cette passion de la poursuivre jusqu'à l'étudier? Bien, je suis né et grandi dans une station missionnaire protestante gérée par les Américains. Chez Johnson, j'ai grandi là-bas. Alors, les Américains, dans leur tradition, ils ont cette force d'apprendre la musique, d'enseigner la musique dans leurs églises aussi. Et j'ai appris le piano dès le jeune âge. Et puis, j'ai aussi eu la chance, après l'école primaire, je suis allé à Skeppers. Je suis l'un des premiers occupants de Skeppers en 1968. Alors là, nous avions des frères belges qui géraient l'école, les frères de Notre-Dame de la Miséricorde. Et il y avait là quelqu'un, le frère Freddy van der Sipt. Il avait fait le conservatoire en Belgique et il nous intéressait beaucoup à la musique. Et là, on a pu développer nos premiers talents, bien sûr. Et là, j'ai fait seulement le cycle inférieur jusqu'en dixième. Et la chance m'a souri, je suis allé à l'école normale de Kibimba, qui était aussi gérée par des Américains. Alors, pour toi, c'était une chance. C'était une chance en musique, parce qu'ils continuaient ce que j'avais déjà. Alors, on a eu de très bons professeurs qui avaient fait le conservatoire aux États-Unis, qui nous ont formés, qui m'ont personnellement formé. Et David Nikiza a fait aussi Kibimba, bien avant moi. Alors, quand j'ai terminé, j'étais suffisamment rodé. J'ai commencé à servir. Je vous ai dit que le ministère de la Culture m'a recruté. Je suis allé là, on a commencé l'Orchestre National. Après ça, j'ai quitté l'Orchestre National pour rentrer au service des églises. On m'a recruté pour lancer le département de musique au Conseil National des Églises du Burundi, CNEB, comme plusieurs l'appellent. Et j'ai fait ce travail. Après ça, j'ai eu également la bénédiction de pouvoir aller aux États-Unis où j'ai suivi une formation en théologie au niveau du doctorat et une formation en musicologie au niveau du doctorat aussi. Et je suis revenu dans mon cher pays que j'aime. Tu es revenu ambitieux avec une musique burundaise sans identité et vous avez commencé l'Institut de musicologie de Gitega. Pourquoi ici à Gitega? Est-ce qu'il y a une raison particulière? D'abord, j'habite Gitega. Et puis le siège de mon église est à Gitega. Deuxièmement, Bujumbura est un peu compliqué. J'avais bien voulu établir l'Institut de musicologie à Bujumbura. Lorsque je faisais des entretiens avec la Direction générale de la culture, ils avaient aussi souhaité que l'Institut soit établi là-bas. Mais nous avons lancé un appel aux musiciens, ainsi de suite. Bon, ils vous montrent qu'ils veulent, mais quand ils doivent venir, ils ne viennent pas. C'est un institut de musicologie qui est privé, sans subside du gouvernement. C'est l'église épiscopale libre, mon église, qui supporte tout ce travail, qui nous a donné des locaux. Alors, les gens pensent qu'ils peuvent étudier gratuitement. C'est un institut d'enseignement supérieur. Nous enseignons sur 3 ans pour la licence en musique. Mais j'ai commencé par former les gens une année afin qu'ils puissent rapidement aller épauler la formation dans les écoles fondamentales. Après, j'ai suspendu ça. Il fallait que les gens continuent jusqu'à la licence. Actuellement, ils sont en deuxième année. L'année prochaine, ils vont en troisième année pour gagner la licence en musique. Alors, venir à Gitega m'avantageait beaucoup. C'est un endroit calme. Et lorsqu'on veut faire un tel travail avec une recherche en musique, il faut être éloigné des centres urbains. On serait dans les centres urbains si on voudrait seulement enseigner les instruments, faire du bruit, du tapage, ainsi de suite. Tu commences l'Institut de musicologie. Et puis, quelle est la suite? Comment est-ce que ça évolue? Bien, depuis l'agrément, l'autorisation en 2013, j'ai directement formé une première équipe de 15 finalistes des humanités générales, parce que c'est ça le niveau de recrutement. En dessous de ça, on ne recrute pas. Pourquoi? Ils ne peuvent pas supporter les cours, c'est de la philosophie, ça demande de la tête. Voilà. Alors, j'ai formé une quinzaine, mais il n'y a que 10 qui ont pu réussir et terminer et avoir ce que j'appelle le tout petit diplôme en musique, diplôme de maître de solfège, pour pouvoir aller enseigner directement, parce qu'ils font le parcours du solfège élémentaire, de quelques notions de base qu'ils peuvent enseigner, qui collent avec le programme de l'enseignement fondamental. Alors ceux-là sont partis en 2015, on leur a donné les papiers. Et après, il y a une autre promotion qui continue, qui est entrée, qui continue aujourd'hui, qui est en deuxième année. Et à dire vrai, les jeunes Burundais ne voient pas l'importance d'étudier la musique à ce niveau-là. Ils vous disent, bon, je ne peux pas perdre toutes ces années à apprendre la guitare. Or, ce n'est pas la guitare qu'on apprend. On apprend la science musicale. La science musicale. Et plusieurs ne peuvent pas continuer dès qu'on a abordé tout ça. Ils disent, on ne savait pas que c'était comme ça. Quand on va dans les cours comme l'organologie, l'ethnomusicologie, quand on entre dans les cours d'industrie musicale, quand on va exploiter les cours d'harmonie tonale, c'est la haute science musicale. Ce n'est pas n'importe qui peut affronter ça. Voilà, ça évolue. Nous sommes en deuxième année. Bientôt, ils iront en troisième année. Mais il y a un autre projet qui est en train de venir et qui pourrait les prendre. C'est la musicothérapie. Ouais, exactement. La musicothérapie est la science qui engage la musique dans la thérapie des problèmes psychiques. Vous connaissez un grand centre que nous avons au Burundi, le centre neuropsychiatrique de Kamenge, couramment appelé chez le gentil. On a des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychanalystes qui sont là, qui travaillent. Mais dans leur travail, ils ont souvent besoin de recourir aux musicothérapeutes, c'est-à-dire des gens qui ont étudié la musique minimum jusqu'au niveau de la licence et puis qui vont faire la maîtrise en musicothérapie pour savoir comment accompagner la thérapie par la musique. Ce n'est pas n'importe qui y va. Il faut au minimum atteindre le niveau de la maîtrise. Alors, ce projet nous intéresse aussi. Les bailleurs sont en train de nous contacter. Et ceux qui vont terminer la licence en musique ici pourraient se faire recruter là-bas, puisqu'il semble que c'est un domaine prometteur qui aboutirait à la création d'une clinique de musicothérapie au Burundi, chose qui n'existe pas, qui serait très très utile au pays. Hein? Alors, pendant que le ministère de l'Éducation n'est pas encore organisé pour recruter des professeurs de musique que nous aurions formés, alors, nous allons laisser cette promotion aller à la musicothérapie. Revenons sur l'Institut de musicologie. Quelle est alors la vie quotidienne de cet institut? Quels sont les effectifs, les défis et difficultés que vous rencontrez au quotidien? Donc, l'aperçu, un panorama de votre institut. Premier point, pardon, je n'ai pas de problème de locaux parce que mon église, dont je suis le représentant légal, a mis à la disposition de l'Institut de musicologie des locaux que nous utilisons gratuitement. La capacité d'accueil est de combien? Bon, nous pouvons même accueillir 100 étudiants, mais en ce moment, nous n'en avons que 13. 8 qui sont réguliers et 5 qui sont étudiants libres, qui peuvent se présenter aux sessions, mais ne pas être obligés d'être au cours tous les jours. Alors, le programme, j'ai élaboré un programme de conservatoire. Bien sûr, le conservatoire, c'est 5 ans, mais j'ai élaboré un programme de 3 ans de licence qui est identique aux instituts de musicologie de France, de Belgique, des États-Unis, du Canada. Ensuite, j'ai un minimum de matériel à utiliser, les équipements. J'ai 4 pianos, quelques guitares. J'ai confectionné les manuels, bien sûr, conformément aux cours que nous avons. J'ai confectionné le manuel pour chaque niveau d'études. Alors, ainsi, on travaille de 8h à 13h. Ensuite, les étudiants payent à Minerval par an 80 000 x 3, 240 000. Mais ils achètent les syllabus eux-mêmes. Ils ont un stage parce que nous avons pensé aussi qu'ils pourraient aller enseigner. Ils ont un stage parce qu'ils ont des cours de didactique, des cours de méthodologie et de pédagogie. Alors, ils ont un stage qu'ils font à l'école fondamentale pour juste mettre en valeur ce qu'ils ont appris. Alors, nous évoluons sur les moyens modestes que l'Église épiscopale libre met à notre disposition. Nous payons nous-mêmes le personnel, les factures régies des eaux, ainsi de suite. Et personnellement, je suis satisfait